En amour, je suis millionnaire. Oh yeah. Je n'ai plus besoin de rien sur terre. En amour, je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Plus le temps passe, plus j'y crois. Plus je t'enlace et plus rien n'existe autour de moi. Je ne me lasse pas de ça. Je fais ma base sur le bonheur qui n'est fait que de toi. Je crois bien que mon cœur est tombé sur un tas de sentiments. Si tu t'en vas, mon cœur en limbé tombe instantanément. On dirait bien que tu m'as dompté. Ça s'est fait gentiment. Je crois bien que mon cœur est tombé. En amour, je suis millionnaire. Je n'ai plus besoin de rien sur terre. En amour, je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Quand j'y repense, au début on n'y croyait pas. Mais l'évidence dit que tu es faite pour moi. Instantanément, on dirait bien que tu m'as dompté. Hey, ça c'était gentiment. Je crois bien que mon cœur est tombé. Besoin de rien si tu deviens ma femme. Aussi simple que ce refrain, ta mélodie résonne. Si mon monde devient le tien, que le bonheur nous condamne. Dans mon cœur, dans mon âme, du fond de mes entrailles, je t'aime.